Kadosh Akem. Celui que nous adorons est l'empreinte visible du Dieu invisible. Il a la maîtrise parfaite de temps et des circonstances et dispose les lois de la nature en notre faveur. Lui qui était pur, sans tache, n'ayant connu aucun péché, il s'est fait péché pour nous. Lui, le prince de vie, il est mort sur la croix pour nous. Alléluia. Agneau immolé de Dieu, éternel, fort et puissant dans le combat pour qu'il s'élève même des portes éternelles. Existant sous la forme de Dieu depuis l'éternité, il est devenu fils de l'homme afin que nous devenions fils de Dieu. Et les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Que des voix s'élèvent pour adorer celui que Dieu a souverainement élevé. C'est lui-là même qui est assis sur le trône parfait. Saint, Saint est notre Dieu. L'univers entier loue sa majesté. Assis sur un trône élevé. De 24 anciens, tu es assis sur un trône élevé. Ta gloire et ta beauté éblouissent toute l'humanité. Que ta gloire remplit toute l'humanité. Tu es revêtu d'une gloire qui n'a pas de fin. Tu es assis sur un trône élevé. Voilà pourquoi tu as reçu du Père le nom qui est au-dessus de tout nom. En ton nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus, Dieu Seigneur, a la gloire du Père. Nous voulons, Seigneur, t'offrir ces jours le chant de nos lèvres, fruit de nos cœurs, comme un sacrifice favorable et agréable. Reçois-le, Seigneur, reçois-le. Même quand tu t'étais, tu es le Dieu qui se révèle. Tu es assis sur un trône élevé. Tu fais entendre ta voix comme un tonnerre. Que ta gloire remplit toute l'humanité. Ta sacrificature parfaite. Assis à la droite du Père. Que ta gloire remplit toute l'humanité. Tu es Saint, Saint, Saint, Saint, Saint est notre Dieu. Notre Dieu. L'univers entier loue sa majesté. Sa majesté. Assis sur un trône élevé. Des armées. Jésus, en nous deux. soit louange.